98 observations. Jamais, toujours. On est toujours dérangé. C'est bien vrai. On n'est jamais tranquille. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais non, il n'y a jamais rien à faire. Tu te moques toujours de tout le monde. Mais non, je ne me moque jamais de personne.